بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on va lire le sujet toujours dans l'Asma wa Sifat, les noms et les attributs, et puis on va expliquer aujourd'hui manhaj al-jahmiya wa talamizuhum fi asma illahi wa sifatih. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la méthodologie de la secte du Jahmiya et leurs élèves au sujet des noms et des attributs. On en a parlé déjà, on a fait un petit survol, on a mentionné un petit peu des choses sur ce sujet. Aujourd'hui, on va expliquer un petit peu plus et puis on va lire cette partie. Tout de suite après, on va commencer à lire le texte que j'ai écrit sur le sujet, pour continuer à lire, pour avoir un petit peu plus de clarification. Après ça, Inch'Allah, on va arrêter là, et puis on continuera la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc, le chef, il commence, il dit, يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِثْبَاتُ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِجَلَالِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ عَلَى وِفْقِ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لأن هذا يدخل في باب الإيمان بالله عز وجل وهو مذهب أهل السنة والجماعة متخذين كتاب الله وسنة رسوله الدليل والمرجع في ذلك عكس ما عليه الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو ينفون بعضا منها ويثبتون البعض الآخر تحكما منهم ويجعلون مرجعهم في ذلك ما قررته عقولهم القاصرة أو قرره لهم أئمة الضلال وفرق بين من جعل دليله الكتاب والسنة ومن جعل دليله نحاتة الأفكار وجبالة الأذهان. Donc le cheikh il explique, il dit, il est obligatoire aux musulmans d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et attribut d'une façon qui lui convient, c'est-à-dire qui convient à la majesté d'Allah s'est et à sa grandeur et en accord avec qu'est-ce qui est venu dans le Coran ou le Sunnah. Et ça, dans ce chapitre, ou cette question, entre dans le chapitre de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette méthode de compréhension des noms et des attributs d'Allah, c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'ah. C'est la voie des gens qui suivent la Sunnah et qui sont unis sur la Sunnah. Et متخذين بكتاب الله وسنة رسوله. Donc, c'est-à-dire que nous, bien sûr, qui suivons la voie des salafs, les gens qui suivent Ahl-Sunnah wal-Jama'a, eh bien nous, qu'est-ce qu'on prend comme référence et comme preuve? On prend le Coran, c'est-à-dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la Sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Al-Jahmiya et leurs élèves, parmi les Mu'tazila et les Asha'ira, et ceux qui nient les attributs d'Allah ou certains de ses attributs, et ceux qui nient les noms et les attributs ou qui affirment certains et qui nient certains, sans avoir aucune preuve, eh bien ceux-là ils font le contraire de Ahl-Sunnah. C'est-à-dire qu'ils se basent sur, au lieu de se baser sur le Coran et la Sunnah, pour affirmer et établir la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à leur raison qui est limitée et ils se basent aussi sur les principes et les règles rationnelles, soi-disant, que leur chef ou que leur cheikh ou leur imam ont établi pour eux comme étant des règles de logique, et ils retournent à ça pour dire ce qu'on peut affirmer et ce qu'on doit nier à ça. Au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran comme affirmation, on l'affirme. Et tout ce qu'il a nié, on le nie. Tandis que eux, ils mettent le Coran et la Sunna de côté. Ils ne regardent même pas. Qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ce n'est pas important pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à leur raison et ils disent ça, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Ils regardent dans le livre de leur chouyouf qui se base sur la philosophie, et là ils disent non, ça c'est pas logique. Donc on dit pas que Allah est au-delà de son trône, que c'est contraire à la logique. Non, on le rejette. Et même si Allah lui-même dans le Coran il l'a affirmé. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent bon, ok. Étant donné que la logique elle le rejette, et Allah il l'a affirmé dans le Coran, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un moyen pour associer les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer le sens dans le Coran. Quand on va voir dans le Coran un sens qui est contraire à nos idées, un sens qui est contraire à nos croyances, on va l'interpréter d'une façon différente pour que ça devienne en accord avec nos idées personnelles. En accord avec, soi-disant, qu'est-ce qu'on a déterminé comme étant la raison. Hein? Et la raison, en réalité, c'est pas une référence. Parce que quand tu regardes, chaque raison se base sur une prémisse, sur une base. Tu peux avoir une logique, tu peux avoir une logique, je peux avoir une logique, hein, mais il faut que cette logique soit basée sur quelque chose, d'accord? Les chrétiens, ils ont une logique, et cette logique-là, d'après leur logique, c'est logique d'avoir trois dieux en un. Donc c'est une logique qui est fausse, hein. Si tu regardes la logique qui est basé sur le Coran et la Sunna, c'est une logique. Hein? Il y a une logique dedans. Sauf que c'est pas la même logique que la logique des idolâtres. Eux, ils disent, mais nous, on adore une idole. On se prosterne devant l'idole. Mais on dit pas que, on sait que c'est pas l'idole qui a créé le monde, mais on l'utilise comme un point de concentration pour mettre dessus notre attention quand on prie Dieu. Donc, ils disent ça, et ça c'est leur explication logique pour rendre l'idolâtrie acceptable. Toutefois, quand on retourne aux paroles d'Allah, aux paroles du prophète, il nous dit non, ça c'est faux. C'est interdit, Dieu a interdit l'idolâtrie, et c'est ça l'idolâtrie. Donc, on ne peut pas utiliser une logique pour justifier l'idolâtrie. Même si quelqu'un t'amène quelque chose qui paraît logique, pour essayer de justifier ça, tu n'as pas le droit de le suivre. C'est comme par exemple, on a donné des exemples déjà. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, donc comme on expliquait, on disait que si des gens veulent amener une raison, une certaine logique pour essayer de justifier l'idolâtrie, ou de justifier un péché ou quelque chose qui est contraire à la révélation, on ne doit pas accepter cette logique. C'est comme les idolâtres par exemple, quand ils sont venus pour dire aux musulmans, mais pourquoi vous mangez pas la viande qui est morte, alors que c'est Dieu qui l'a égorgée, et vous mangez ce que vous égorgez vous-même, et vous ne mangez pas ce que Dieu a tué. Alors ça, c'est une sorte d'argument qui a une logique, il y a une limite derrière. Donc cette logique-là est contraire à la logique de l'islam, c'est-à-dire la logique du Coran et de la Sunna. Donc c'est cette distinction-là qu'il faut faire au sujet de la logique. Donc comme on expliquait, les noms et les attributs d'Allah doivent être affirmés selon la révélation et non selon notre raison. D'accord ? Et après le chef il explique et il dit un exemple qui est écrit dans les livres de ces gens-là qui nient les attributs d'Allah, ils disent « Wa kullu nafsin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha » Ça veut dire tout texte révélé au Coran ou Sunna qui implique ou qui fait donner l'impression qu'il y a une ressemblance entre les attributs de Dieu et les attributs de la création, alors interprète-la d'une autre façon ou ni que tu connaisses sa signification et dis que tu fais ça pour purifier Dieu d'une imperfection ou quelque chose de ce genre. Et après le chef dit هذا تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته التأويل هو صرف هذه النصوص عما دلت عليه من المعاني الجليلة إلى ما تقرره عقولهم من الأفكار العقيمة والآراء الباطلة وما عجزت عنه عقولهم وفوضوه واعتقدوا خلاف ما يدل عليه سبحانك ربي ما أعظم شأنك ما أحلمك على عبادك إنهم نفوا عنك ما أثبته لنفسك من صفات الكمال ونعوت الجلال وخلفوا كتابك وقدموا ما أملته عليهم عقولهم على ما أنزلته في كتابك ونفوا عنك أسماءك وصفاتك ونفوا عن كتابك حجيته وهدايته. Donc le cheikh il explique, il dit voilà leur méthode, la méthode des gens qui suivent Al-Jahmiya. Il dit ce sont des gens, ils agissent d'une façon envers le Coran et la Sunna, c'est-à-dire quand ils voient les noms et les attributs d'Allah, ils changent le nom et ils les déforment de leur signification. Et on avait expliqué, lorsqu'on avait parlé du tahrif, c'est-à-dire de dévier le sens, de le sortir de lui donner un sens qui est contraire à son contexte ou à la réalité de sa signification selon le contexte. Hein, comme par exemple, Allah il dit dans le Coran à propos du juif, يحرفون الكلمة عن مواضعه. Il déforme le sens du mot de son contexte. D'accord? Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement ça. Ils prennent le mot, ils le déforment, et ils changent de son contexte. À propos des noms et des attributs d'Allah. Alors, au lieu d'utiliser le mot tahrif, comme on avait dit, ils ont trouvé un autre terme à utiliser que les gens vont accepter. Parce que s'ils disent tahrif, tout le monde va savoir que ce sont des gens qui ont joué avec la révélation d'Allah et qui ont essayé de changer la révélation d'Allah. Alors au lieu d'utiliser ce terme, puisqu'il n'est pas aimé, alors ils prennent un autre mot qui est accepté par la plupart des gens ou par tous les gens, c'est le mot ta'wil. Et le mot ta'wil, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie le tafsir. D'accord? Les salafs, c'est-à-dire les premiers musulmans, les sahaba, les tabi'in, quand ils utilisaient le mot ta'wil, c'était dans le sens de l'interprétation, hein, ou bien le sens de l'accomplissement d'une chose. Ce mot-là, il se retrouve même dans le Coran, ta'wil. Il est mentionné plusieurs fois dans différents versets, soit qu'il est mentionné dans le sens de l'interprétation, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا, par exemple, ou soit dans le sens de l'accomplissement d'un but ou d'une chose, l'accomplissement d'une chose. يَوْمَيَأْتِي تَعْوِيلُهُ, le jour où l'accomplissement de cette chose-là arrivera, c'est-à-dire par exemple au jugement dernier, ou quelque chose comme ça. Donc, dans ce sens-là, ce mot il était connu et il était utilisé par les salafs dans le sens de tafsir. Si tu lis par exemple le premier des tafsirs, le plus ancien, le plus grand, c'est le tafsir de l'imam al-Tabari. À chaque fois qu'il mentionne, par exemple, une ayah, il explique, et après il dit voici le ta'wil des gens, le tafsir que les salafs ont donné au sujet de ce verset. Et là, il mentionne leur explication du verset. Donc c'est un mot que les gens connaissaient. Eux, ils ont dit, on va faire ta'wil, c'est-à-dire, ils prennent un mot et ils lui donnent une signification totalement différente de son sens réel, hein, et puis ils disent ça c'est une autre forme de ta'wil. Sauf qu'en réalité, c'est le tahrif, c'est une déformation du sens. Si tu dis par exemple, comme par exemple quand Allah dit Ar-Rahman wa Al-Ashistawa, comme on en a parlé, Allah tout nous a entendu s'est élevé au-delà de son trône, eux ils disent, le ta'wil de Istawa, Al-Arsh, c'est Istawla, Al-Arsh. Donc ça veut dire Istawla, ça veut dire, il a conquis le trône. Voilà. Ils ont changé le sens du mot pour dire que ça veut dire conquérir quelque chose. Alors que dans la langue arabe, au temps des Arabes avant l'islam, et au temps des Sahaba, et après les premières générations, personne n'a jamais connu cette signification du mot istawa. Personne n'a jamais utilisé le mot istawa pour dire ça. Jamais. Donc c'est après, quand parmi les musulmans, certains d'entre eux ont traduit les livres des Grecs en arabe, Al-Ma'moun, durant le Khilaf al-Abbasiyya, il a fait traduire, il a ouvert une sorte d'institut, et il a ordonné que tous les livres soient amenés là-bas, les livres grecs, et de l'Inde, et de différentes philosophies, et il a ordonné qu'ils soient traduits en arabe. Et lui-même, ce Khalifa, il a été entouré par des gens qui faisaient partie de cette secte, du Mu'tazila, hein, et donc c'est après ça qu'il a été influencé par ces gens-là, et là, ils ont traduit les livres en grec, et c'est là qu'ils ont commencé à imposer à tous les savants d'accepter leur interprétation ou leur idée au sujet de la foi. Donc ils ont commencé à imposer à tous les chouïs le khalifa, ce khalifa-là. Il a envoyé à tous les villes des lettres aux dirigeants de ces villes pour dire de prendre le nom de tous les savants et de leur demander, de leur dire d'affirmer leurs opinions, c'est-à-dire de défendre les mêmes opinions que le khalifa et de nier les attributs d'Allah SWT. Alors, la première fois, personne n'a répondu. Alors, il a dit, bon, personne n'a répondu, ok, cette fois, demande encore une fois, et tous ceux qui ne répondent pas, tu les mets en prison. Il a fait une deuxième fois, il y a une plus grande partie des gens qui ont dit non, mais il y a une plus grande partie des gens qui ont accepté, mais il y a beaucoup qui ont dit encore non. Alors il a dit, ok, la troisième fois maintenant, prends le nom de ceux qui refusent. Et là je vais m'occuper d'eux, c'est les venir à Bagdad. Alors là, il a fait la troisième fois, il restait juste deux personnes qui ont refusé d'accepter la position des khalifas. Et c'était l'imam Ahmad et un autre imam, que j'ai oublié son nom. Mais l'autre cher, il est mort en route. Tandis que l'imam Ahmad, il est arrivé jusqu'à Bagdad. Mais à la période où il est arrivé là-bas, le khalifa était déjà mort. Alors c'était son fils qui a continué l'inquisition. Et c'est là que l'imam Ahmad a été interrogé et torturé, et qu'il a débattu, vraiment il a subi beaucoup d'épreuves au sujet de ces choses-là. C'était la fitna qu'on appelle fitna du khalq al-Qur'an, la fitna au sujet du Qur'an, c'est-à-dire est-ce qu'il est créé ou non. Parce que les Mu'tazila ont obligé les gens à dire que le Qur'an est créé, d'accord. Alors là, l'imam Ahmad, il a dit, j'aurais pu dire comme les autres savants et accepter d'affirmer ce que les enfants de m'ont demandé de dire uniquement pour sauver ma peau. Et j'aurais eu une excuse de faire ça parce que dans le Coran, il y a un ayah qui dit que si tu es contraint et qu'on te menace et qu'on te frappe et tout, et que tu acceptes de dire une parole de mécréance par contrainte, dans ce cas-là, tu n'es pas blâmé parce que au fond de ton cœur, tu es à la foi. Donc, il aurait eu une excuse de refuser de dire ce que ces gens-là lui demandaient de dire. Mais il a dit, j'ai voulu, parce que j'ai regardé les gens, les sages musulmans, ils ne savent rien. Et si personne prend une position, cette bid'a, elle va se répandre et tout le monde va l'accepter. Donc, il a pris la position de celui qui prenait la responsabilité de défendre la vérité vis-à-vis des gens qui faisaient le mensonge. Alors, alhamdoulilah, Allah lui a donné finalement la victoire après le fils, le premier, Al-Ma'moun, il est mort. Après, c'était Al-Mu'tasim. Et le troisième, je ne me souviens plus, je pense que c'était Al-Wasiq. Le troisième, c'était Al-Wasiq. Le deuxième, Al-Mu'tasim, il est mort lui aussi, durant l'inquisition. Et le troisième, Al-Wasiq, est mort. Les trois khulafa sont morts durant le temps de l'imam Ahmad. Et c'est le quatrième qui est venu après Al-Mutawakkil Billah. Et lui, il a fait libérer l'imam Ahmad. Et il a remis les savants, les savants de Ahl-Sunnah, Al-Jama'a, il les a remis à leur place d'honneur. Et il a rabaissé les gens de Bid'a, du Mu'tazila et les autres. Et puis il a fait revenir l'islam en force. Donc, Alhamdulillah, c'était une période difficile pour les musulmans de cette époque qui suivaient la sunna. Mais Alhamdulillah, finalement, ça a bien fini. Toutefois, ces gens-là essaient toujours de temps en temps de revenir avec ces idées-là. Et là, ils sont actifs de temps en temps, tu les vois. Des fois, ils sont plus forts, des fois, ils sont moins forts à certaines époques. Et donc, le chef, c'est ça qui explique ici, il dit que ces gens-là, ils ont utilisé leur raison. Au lieu de se baser sur la révélation, ils ont utilisé leur raison. Et il a dit, وَيَعْنِي بِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَوْا مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ نَفَى عَنِ اللَّهِ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُ أَضْدَادَهَا مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يلزم من هذا أن يكون هؤلاء الضلال أعلم بالله وما يستحقه من الله لأنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه وزعموا أنه لا يليق به وأي ضلال أعظم من هذا وأي جرأة على الله أعظم من هذه الجرأة. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le chef, il dit, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont nié ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, d'attribut de perfection. Parmi les Jahmiya, les Mu'tazila et les Asha'ira, ces trois sectes-là qui sont une à la suite de l'autre. Al-Jahmiya, c'est comme on avait dit, ceux qui ont nié tous les noms et les attributs. Et Al-Mu'tazila, au début, il n'y a pas les noms, il n'y a pas les attributs d'Allah. Il n'y a pas les attributs d'Allah. Leur problème, le problème des Mu'tazila, c'était au sujet de Al-Qadar, c'était au sujet de la prédestination, Al-Qadar, et l'autre problème qu'ils avaient, c'est au sujet de l'Iman. Ils avaient un problème au sujet de l'Iman. C'est-à-dire, il disait par exemple, c'était la base du problème que Al-Wasil ibn Atta il a eu avec Al-Hassan al-Basri, c'était au sujet du musulman qui fait des grands péchés. Est-ce qu'il est croyant ou non? Alors, on sait que les musulmans, les salafs, les sahabas, les tabi'in, ils disaient tous que le musulman qui fait des grands péchés, il est croyant, il est musulman, excepté que sa foi est faible, sa foi est basse, il est un pécheur, mais il est toujours dans l'islam. Il n'a pas quitté l'islam parce qu'il a volé, ou qu'il a tué, ou qu'il a bu de l'alcool, ou qu'il a fait l'adultère. Il est quand même un croyant, un musulman, mais sauf que sa foi est faible. D'accord, sa foi est descendue. Tandis que Wafid ibn Atta, lui, il a entendu ça, il a dit non. Les gens qui font des péchés, des grands péchés parmi les musulmans, ils ne sont ni des croyants, ni des mécréants. Donc lui, il a inventé une nouvelle catégorie qui est ni croyant, ni mécréant. C'est-à-dire une étape entre les deux. Et ça, ils appellent al-manzila, bayn al-manzilatayn. L'étape entre les deux. Donc ça, c'était une bid'a. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit au sujet de cette catégorie-là, celle qui est ni croyant ni mécréant, dans l'au-delà, elle est dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça revient à la même position que les Khawarij. Et les Khawarij, ils ont dit, celui qui fait des grands péchés parmi les musulmans, il est dans l'enfer pour l'éternité, il est mécréant, kafir, il n'est pas croyant. Même s'il prie, même s'il dit qu'il est musulman. Donc même si pour eux là, si quelqu'un boit de l'alcool, il est mécréant. Même s'il dit qu'il est musulman. Si quelqu'un fait, par exemple, je sais pas moi, il fait l'adultère ou il fait un péché comme ça, il dit, ça c'est un kafir. Et ton sang est halal. Et tes biens sont halal. Et on a le droit de te tuer, on a le droit de prendre tes biens. T'es plus musulman, t'as rien de sacré dans ta vie, là. C'est halal. Là, c'est des gens dangereux. Et la première chose qu'ils font, c'est comme ça, c'est attaquer les musulmans. Donc, le Mu'tazila, c'était là-dessus leur problème. Mais plus tard, après, durant la fitna avec Al-Ma'moun, ils se sont associés avec Al-Jahmiyyah. Les gens qui ont suivi Al-Ja'd al-Mudirham et Jahm al-Musafwan se sont mis ensemble quand ils ont eu le problème au sujet de Khalq al-Qur'an. Parce que déjà, étant donné qu'ils avaient déjà accepté la base de que la raison passe devant la révélation, alors ils ont eu des débats entre eux et ils ont accepté leur principe. C'est devenu une des bases de leur croyance après. Et par la suite, Al-Asha'ira, on a vu que Al-Asha'ira, à la base, c'est des gens qui avaient comme idée de vouloir réfuter les Mu'tazila. C'est comme ça qu'ils sont venus au début. Ils sont venus comme étant des défenseurs de la Sunna. Parce que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari est resté 40 ans dans cette secte, en train de l'étudier et de l'apprendre et de la prêcher aux gens. 40 ans! Il était l'élève d'un des plus grands chouïrs des Mu'tazila. Et son père même, c'était le plus grand chef de cette secte, était marié avec sa mère. Donc pendant 40 ans, il a étudié cette aqida, cette croyance. Et puis à la fin, il a commencé à douter. Et là, c'est là qu'il a voulu essayer de venir, pour revenir à la sunna. Malheureusement, étant donné qu'il n'avait pas étudié la sunna, et la prise qu'il avait trouvée de partie par là, il a ramené une idée que on affirme cette attribut, et on nie les autres, on les interprète d'une autre façon. Donc, c'est comme ça que cette aqida est arrivée. Excepté que les gens qui l'ont suivi par lui à la fin de sa vie, Abu al-Hassan, comme on avait déjà dit ça, il est revenu à la sunna. Il est revenu à la parole de l'imam Ahmad. Excepté que les gens qui l'ont suivi par la suite, ils ont suivi sa période intermédiaire, celle qui était entre la sunna et entre la bid'ah. Et ce qui est arrivé, c'est que, subhanallah, en étudiant cette aqidah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés au livre des Mu'tazila. Tous les élèves d'Abu al-Hassan, dans les siècles, wa alaykum salam wa rahmatullah, dans les siècles qui ont suivi, eh ben, petit à petit, ils sont retournés de plus en plus vers les opinions des Mu'tazila. Et c'est pour ça que maintenant, tu les vois aujourd'hui, les Asha'ira, ils ont beaucoup d'opinions qui sont exactement les mêmes que les opinions des Mu'tazila avaient avant. Donc c'est comme si on dirait que ce sont des Mu'tazila aussi. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah dans ses livres, quand il parle des Asha'ira, il dit, tu vois quand on dit un homme habillé en femme, On les appelle Mahani, des hommes, des travestis. Donc ce sont des travestis des Jahmiyyah. C'est comme ça qu'il les a appelés, hein, de cette façon-là. Donc, le chef, il dit, qu'est-ce que ça implique leur idée? Ça implique que, ça implique une idée tellement égarée, parce que c'est comme s'ils disent que nous savons plus qu'Allah, nous savons plus que Allah, ou nous savons mieux que Allah, comment Allah doit s'appeler lui-même, et comment il mérite, quel attribut il mérite que lui-même. Hein? Parce qu'ils ont nié ce qu'Allah a affirmé, ils ont affirmé ce qu'Allah a nié, et ils ont cru que Allah n'était pas digne d'avoir certains attributs, alors ils les ont niés, alors que Allah se les a affirmés. Donc c'est une forme d'égarement. Et après le chef il dit, ويلزم من ذلك ايضا ان يكونوا اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم et ça implique qu'ils croient, ils sont plus savants qu'Allah et que son messager aussi. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت لله هذه الصفات وهم نفوها وقالوا انها لا تليق بالله اي واي ضلال اعظم من هذا الضلال ولو كانوا يعقلون لو كانوا يعقلون نعم كيف يكون هؤلاء الجهال الذلال أعلم بالله من نفسه تعالى الله عما يقولون والله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا أحد من الخلق أعلم بالله وما يستحقه وما يليق به من رسول الله صلى الله عليه وسلم donc c'est exactement ça qu'il explique maintenant. La même chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas dire que tu connais mieux que Allah comment le décrire. Donc, ça voudrait dire que Allah ne sait pas comment parler de lui-même et son messager. Donc, il a mentionné ça. Après, il dit إن الذي حمل الجهمية وأتباعهم حمل الجهمية وأتباعهم على نفي صفات الله عز وجل هو جهلهم بالله وسوء أفهامهم حيث ظنوا أنه يلزم من إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يلزم منها التشبيه لأنهم يرون هذه الصفات في المخلوقين ولا يفرقون بين صفات الخلق وصفات المخلوق ولا يفهموا من صفات الخالق إلا ما فهموا من صفات المخلوقين ولم يعلموا أن صفات الخالق سبحانه تخصه وتليق به وصفات المخلوقين تخصهم وتليق بهم ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما أنه لا تشابه بين صفات الخالق وذوات المخلوقين وذات الخالق وذوات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه مشابهة الأشياء فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا تلزم منه المشابهة بين الخالق والمخلوق donc le chef il explique il dit que qu'est-ce qui a amené les Jahmiyyah et ceux qui les ont suivis parmi les autres groupes après de nier les attributs d'Allah, c'est leur ignorance aussi à propos d'Allah et leur mauvaise compréhension. Parce qu'ils ont cru que le fait de les affirmer que ça impliquait une ressemblance avec la création, et ils ont vu que par exemple, les attributs qu'Allah s'est affirmé lui-même, eh bien, elles sont aussi présentes chez les créatures. Alors, ils n'ont pas vu la différence entre les attributs du Créateur et les attributs de la créature, parce qu'ils ont pensé que si ils ont cru que qu'est-ce qu'ils ont compris des attributs de la créature et qu'est-ce qu'ils ont compris des attributs d'Allah. Ils n'ont pas vu que Allah il a des attributs qui sont spécifiques à lui, même si elles ont le même nom, et la créature a des attributs spécifiques à la créature, même si elles ont le même nom. C'est-à-dire, par exemple, Allah il a un visage, et les êtres humains, on a des visages, et les animaux ont des visages, hein, et on a tous des visages différents. Hein. Oui, la main de l'âne. L'âne est la main, parce qu'en arabe, en français, bon, on va dire une patte, mais en fait, une patte, c'est une main. En arabe, on va dire la main de l'âne, la main de l'homme, la main d'Allah. Et chacun a une main qui convient à qu'est-ce qu'il est. Et donc, il ne faut pas faire une ressemblance entre les deux. D'accord? Donc, et surtout qu'Allah, il a nié la ressemblance. Quand il a dit, laisse ça se mettre sur on va se faire le faire. Donc, chacun a une main selon ce qui lui convient. Et après, le chef, il dit, فهذا هو الأصل الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في إثبات صفات أسماء الله وصفاته فأثبتوا له ما أثبته لنفسه بلا تمثيل ونزهه عما نزه عنه نفسه عنه بلا تعطيل. Donc c'est ça. أهل السنة والجماعة ils ont affirmé les noms et les attributs, ils ont affirmé ce qu'ils ont affirmé sans faire de ressemblance et ils ont nié ce qu'ils ont nié sans faire des négations des attributs dans leur réalité. أما الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة فإنهم بنوا مذهبهم على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم وهو أن إثبات هذه الصفات يقتضي ماذا؟ يقتضي التشبيه فيلزم حيال النصوص الواردة بذلك أحد أمرين عندهم إما تأويلها عن ظاهرها وإما تفويضها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ولذلك يقول ناظم عقيدتهم وكل نص أوهم تشبيها أوله أو صوب ورم تنزيها سبحانك ربي أما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وقد أجرى الله الحق على لسان هذا الناظم حيث قال وكل نص أوهم التشبيه فبين أن مذهبهم مبني على الوهم لا على الحق لأنهم توهموا أن هذه النصوص تقتضي التشبيه فراحوا يؤولونها وهل الوهم يا عباد الله تعارض به النصوص وتبنى عليه العقيدة إن الوهم أقل درجة من الظن والله تعالى يقول في الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. Donc le chef il explique et il dit que يعني leur erreur des Jahmiya et leurs élèves des Mu'tazila et des Asha'ira ils ont bâti leur école ou leur philosophie sur une base qui est fausse en partant. Et cette base-là, ils l'ont inventée de leur propre tête. C'est-à-dire qu'ils affirment les attributs qui est partie, c'est-à-dire qu'ils disent que les attributs, elles impliquent une ressemblance et qu'il faut donc faire deux choses vis-à-vis des attributs d'Allah. Deux choses. Premièrement, soit on doit faire le ta'wil, c'est-à-dire on doit le faire sortir de son sens apparent, on ne doit pas l'interpréter dans son sens apparent, on doit l'interpréter d'une façon qui est contraire à son sens apparent, ou bien on doit faire le tafwid. Le tafwid, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on croit au sens apparent, on croit à l'attribut, mais on dit que son sens apparent n'est pas voulu. D'accord? Il nie que le sens apparent soit voulu, ou bien il nie qu'on peut connaître le sens apparent, qu'on peut connaître le sens apparent. ولهذا يعني سكه يذكر الموت encore la citation du poème là dans leur aqida qui dit que chaque verset qui implique une ressemblance il faut faire le ta'wil ou le tafwid et donc le chef il dit ouais et exactement c'est exactement ce qu'ils disent même la personne qui a écrit cette aqida là elle a dit quelque chose sans l'apercevoir qui explique en réalité que leur façon d'agir est fausse. Parce que la personne qui a écrit ça, elle a dit kullu nafsin awhama at-tashbih. Et awhama en arabe, ça vient de al-wahm. Et al-wahm, c'est comme avoir une impression, ou avoir une fausse impression de quelque chose une impression de quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, le cheikh il dit, et Allah a fait que cette personne a dit la vérité dans son poème, lorsqu'il a dit « wa kullu nafsin awhamat tashbih », c'est-à-dire que leur madhhab ou leur méthode d'étudier les attributs, les noms et les attributs d'Allah est basé sur des idées, des fausses, des choses qui ne sont pas solides, qui ne sont pas fondées. Donc, il ne faut pas baser notre aqida sur une wahm, c'est-à-dire sur des fausses impressions de ces gens. Et donc, ça conclut maintenant qu'est-ce qu'on avait à lire pour le dars aujourd'hui dans le livre. C'est des choses qu'on avait déjà, je pense qu'on avait déjà expliqué, mais c'est que le chef, il dit des choses qu'il a répétées plusieurs fois pour que ça reste dans l'esprit des élèves, parce que c'est un sujet qui est quand même vaste, et puis là il explique les fondements et les bases, et il le répète beaucoup pour que ça reste ancré dans ton esprit après, même si tu restes sans le relire, ça reste dans ton esprit parce que tu l'as entendu tellement souvent, ça y est, après tu vas t'en rappeler. Donc, c'est juste, il explique les bases. Il y a des livres beaucoup plus détaillés qui expliquent chaque attribut individuellement et qui montrent les explications et les sens de chacune de ces attributs. Mais celui-là, c'est un livre qui est un peu général. Il explique les principes de base, les règles de base. Donc, c'est pour ça que le chef, il approche de cette manière en expliquant des choses d'une façon plus vague, plus générale. Là, il donne des principes. D'accord? Et puis après, toi, ça te donne une certaine fondation. Et puis par la suite, tu vas t'approfondir dans l'étude de la croyance. Et puis, tu vas commencer à avoir plus de compréhension à mesure que tu vas avancer là-dedans. D'accord? Donc, on va laisser ça à côté, puis on va écouter notre frère Hamza, qui va nous lire, Inch'Allah, là où on était arrivé. Je me rappelle plus où je me dis. Ok, je me souviens. On était rendu à. Juste en bas. De la page. Oui, c'est ça, en bas. On va continuer. Ouais. Ce qu'on a fait, on avait lu la comparaison des 7 versets, parce qu'il y a 7 versets qui mentionnent qu'Allah est au-delà de son trône, c'est le CV. Et ensuite, là, on donnait une explication. Tandis que les gens de la Bida disent qu'Allah est partout et nient le sens du verset en disant que cela signifie qu'Allah a pris le pouvoir du trône, ce qui est contraire à la langue arabe et l'explication des Sahaba. Une question pour eux serait de dire qui donc avait le pouvoir sur le trône d'Allah avant lui, ce qui prouve la fausseté de leur interprétation et qui montre qu'ils tentent d'imposer une notion de Dieu qui est contraire au texte révélé. Allah dit aussi, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Surat Fatir, ayat 10. Et il dit aussi, rappelle-toi quand Allah dit, Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Al-Imran, ayat 55. Et Allah dit encore au sujet de Jésus, mais Allah l'a élevé vers lui. Surat An-Nisa, ayat 158. Allah dit aussi, le maître des voies d'attention, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Al-Mahraj. Surat Al-Mahraj, ayat 3 et 4. Allah dit encore, et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. An-Nahl, surat An-Nahl, ayat 49 et 50. Et Allah dit, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre. Et voici qu'elle tremble. Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Surat al-Mulk, ayat 16 et 17. Allah cite les paroles de Pharaon en disant, et Pharaon dit, ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. Sourate Al-Ghafir, ayat 36 et 37. Tous ces versets indiquent qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il n'est pas mélangé à celle-ci. Contrairement à ce que prétendent les soufis qu'Allah est partout, c'est pourquoi, lors de l'ascension à le mirage du prophète au-dessus des cieux, il parla directement à Allah. Ça c'est un argument, le mirage. Parce que si Allah est partout, Allah n'a pas besoin de faire monter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au plus haut des cieux. Puisque s'il est partout, il pourrait être en contact avec Allah à partir de n'importe quel endroit. Et il est rapporté par Muslim selon Muawiya ibn Hakam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une esclave, où est Allah? Elle répondit, dans le ciel. Et il lui demanda ensuite, qui suis-je? Elle répondit, tu es le messager d'Allah. Il dit alors, libère-la, c'est une croyante. Il y a des dizaines de hadiths qui prouvent qu'Allah est au-delà de sa création, mais il serait trop long de toutes les citer sans compter les paroles des sahabas et des savants. De plus, les croyants lèvent toujours leurs mains vers le ciel dans les doigts, et personne n'accepterait de dire qu'Allah est dans un endroit comme les toilettes. Subhanallah. En ce qui concerne les versets que citent les soufis hors contexte pour tenter de faire croire qu'Allah est lui-même en sa création et en toutes choses, en voici quelques-uns. Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux. Al-Mujadala, surat Al-Mujadala, ayat 7. Et le verset, et il est avec vous où que vous soyez, surat Al-Hadid, ayat 4. Ces versets cités en dehors de leur contexte pourraient nous faire croire que les soufis ont une preuve. Toutefois, il devient très clair, après les avoir remis dans leur contexte, que Dieu parle de son savoir qui enveloppe toute chose. Car Allah enveloppe tout de sa science. Il voit tout et entend tout. Allah dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Surat Al-Mujadala, ayat 7. On voit bien que les versets commencent par mentionner la science d'Allah et terminent également en disant qu'il est omniscient, ce qui prouve qu'Allah enveloppe tout par sa science et que sa science est partout, non pas sa personne. La même chose pour l'autre verset. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-delà du trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Surat Al-Hadid, ayat 4. On peut voir ici que les versets parlent de la science d'Allah qui enveloppe tout. Tout est clair. Il cite également un autre verset dans le but de prouver que Dieu est en l'homme. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Surat Al-Kaf, ayat 16. Mais encore une fois, le contexte du verset parle de la science d'Allah étant plus près de l'homme que lui-même. Allah dit, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Surat Al-Kaf, ayat 16. Les sahabas et les premiers savants ont compris que ces versets qu'Allah, au-delà de son trône, mais que sa science est partout, Aucun d'entre eux n'a jamais dit ce que disent les soufis, que Allah est partout, subhanallah. Voilà comment chacun de ces versets doit être compris. Maintenant, ceux qui disent qu'Allah est dans sa création, ce que les soufis appellent Kulul, peuvent être divisés en quatre groupes. Le premier groupe, ceux qui disent qu'Allah est dans certaines de ses créatures seulement de la façon que l'eau remplit un contenant, comme ce que les chrétiens disent au sujet de Jésus, fils de Marie. Qu'Allah est entré en lui, ceux-là sont des mécréants. Et comme les Rafida, extrémistes qui disent qu'Allah est un Ali ibn Abi Talib, de même qu'un Al-Halaj, Al-Hakim et d'autres, ils sont des kuffars mécréants comme les chrétiens. Le groupe 2, ceux qui disent qu'Allah se mélange à certaines de ses créatures comme de l'eau qu'on mélange à du lait, comme croient certains chrétiens, coptes, et certains des gens qui ont dévié de l'islam, ils sont eux aussi des kuffars. Le groupe 3, ceux qui croient qu'Allah est dans toutes choses, et c'est la croyance du groupe nommé Al-Jahmiya, que les savants de la Sunna ont refuté depuis longtemps, qui disent qu'Allah est partout, ils sont également mécréants. Et le quatrième groupe enfin, ceux qui croient qu'Allah lui-même est tout, et que tout est Allah, comme Ibn Arabi et d'autres, et ils sont plus loin dans la mécréance que la mécréance des juifs et des chrétiens pour deux raisons. La première, c'est que les chrétiens ont dit qu'Allah est présent à son serviteur, qu'il a choisi et rapproché Jésus alors qu'il ne l'était pas avant. Tandis que ceux-là disent qu'Allah a toujours été le serviteur et des autres créatures et il n'est pas autre chose. Oui, je pense que c'est pour les autres créatures et elles vont tout. C'est-à-dire que la distinction, c'est quoi? C'est que Jésus est un homme pieux, serviteur d'Allah. D'accord. Donc, Isa, c'est un serviteur d'Allah, c'est un homme pieux que Allah a choisi lui-même et qui est rapproché. Donc, lui, ils disent que Allah est en lui, alors qu'il est quand même quelqu'un de bien, qui a de la piété, qui a été choisi par Allah. Mais eux, ces soufis, ils disent que tout le monde, il est en tout le monde, le bon et le mauvais, le pieux et le non pieux, le pur et l'impur, le sale et le propre, on est sans distinction, toutes les créatures au complet, le porc, le chien, hein, ils disent qu'il est dans tout. Et qu'il a toujours été tout. Pas comme Issa, ils ont dit bon, il n'était pas un Issa, puis Issa est venu, puis là il est venu un Issa. Tandis qu'il dit non, il est dans tout, partout et tout le temps. Et il est sa création. Donc, c'est comme le cheikh qui a expliqué ça, j'ai pris de Ibn Taymiyyah, et il a expliqué ça, il a dit que c'est la parole des Jahmiyyah. Mais les Jahmiyyah, ils ont en fait deux positions extrêmes. Certains d'entre eux, comme les Soufis qui ont suivi cette voie, ils disent qu'Allah est tout, ou dans toutes choses, ou partout. Et il y a l'autre position extrême qui dit que Dieu est nulle part. Il nie carrément. Parce que si tu dis quelque chose est partout, et que tu dis qu'elle est nulle part, les deux, c'est presque la même chose. Parce que tu dis que Dieu est sa création, tu nies l'existence distincte d'Allah. Où est-ce que tu es capable, parce que tu dis que Dieu est tout, comment tu vas être capable de distinguer qu'est-ce qui est créateur, qu'est-ce qui est créature? Et ça, c'est impossible. Si tu dis que Dieu est sa créature, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre les deux. Hein? Et eux, c'est ce qu'ils font, en fait, c'est de nier même qu'il y a une distinction entre le créateur et la créature. Donc, l'adorer, et l'adoreur, celui qui adore et celui qui est adoré sont une seule et même personne. Donc qu'est-ce qu'on doit adorer? Ils disent que tu peux adorer ce que tu veux. Tant que tu vois qu'il y a un seul être dans l'univers, c'est pas grave. Tu vas pas être un idolâtre. C'est un peu leur explication un peu extrême là. Et pour la deuxième raison, c'est parce que les chrétiens l'ont limité à celui qu'ils vénèrent, c'est-à-dire Jésus. Tandis que ceux-là disent que cela est aussi vrai pour les chiens, les porcs, les saletés, etc. Et Allah dit au sujet des chrétiens, ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc ceux qui le disent, ce sont des mécréants. Sourate Al-Maïda, ayat 72. Alors que dire de celui qui dit qu'Allah c'est les koufars, c'est les munafiqin, les enfants, les fous, les gens impurs et pions. Voilà qui clarifie bien la vérité et le mensonge. Alhamdulillah, il faut faire la distinction entre le créateur et la créature d'Allah, ça c'est la base du tawhid. Tandis que celui qui nie cette distinction, nie l'existence d'Allah. Celui qui adore la créature d'Allah est un mushrik, associateur, idolâtre, et de même celui qui passe par des créatures pour prier Allah, seul Allah mérite d'être adoré. La ilaha illallah. Deuxième. Dans le deuxième texte, c'est la question où est Allah? Cette question où est Allah fait aussi partie du témoignage de la ilaha illallah, car c'est relié au nom et aux attributs divins d'Allah. C'est fondamental car c'est la distinction entre le créateur et la créature. Si on donne des attributs au créateur, comme connaître l'invisible, à la créature, ou si on donne au créateur des attributs de sa créature, comme dire qu'il a un fils ou qu'il est un homme, ou si on nie ses attributs, on tombe alors dans le shirk. Seul Allah peut se décrire car personne ne connaît mieux Allah que lui-même. C'est pourquoi nous devons nous référer au Coran et à la Sunna pour connaître Allah. Les gens de la Sunna affirment tous les noms et les attributs d'Allah, les noms et les attributs qu'Allah fait affirmer à lui-même, de même que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'Allah a nié posséder comme attribut, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il le nie comme avoir un fils. Il suit quatre règles fondamentales au sujet des attributs d'Allah. C'est qu'on doit tous affirmer les attributs d'Allah sans faire, premièrement, le tahrif, c'est-à-dire changer le sens des attributs d'Allah. Deuxième, le ta'til, nier l'attribut elle-même, directement ou indirectement. Le troisième, taqif, c'est-à-dire chercher à savoir, à imaginer ou à comprendre le comment des attributs d'Allah. Et le quatrième, le tamthil, comparer Allah à sa création, ou dire qu'Allah est semblable à sa création, ou que la création est semblable à Allah. Cela est prouvé pour plusieurs versets dans le Coran. Allah dit, il n'y a rien que lui qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le voyant. Surat Ash-Shura, ayat 11. Et Allah dit, ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappent pas. Surat Fussilat, ayat 40. Et il nous a interdit de dire ce dont on n'a aucun savoir. Il dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Surat Al-Ishra, ayat 36. C'est pourquoi, si tu lis les versets du Coran qui affirment qu'Allah est au-dessus de son trône, ou qu'il a deux mains, ou qu'il a deux yeux, tu ne trouves aucune parole qui nie la réalité de ses attributs. La même chose est vraie pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois qu'il parle à tout le monde, aux ignorants et aux éduqués, en leur disant qu'Allah est au-delà du trône, dans les cieux. Il parle des mains et des yeux d'Allah et des autres attributs, sans jamais dire une seule fois qu'il ne faut pas prendre ces versets et ces paroles dans leur sens réel, et que ce sont des métaphores. Si c'était des métaphores, il l'aurait dit au moins une fois aux gens. Mais on ne trouve ça nulle part. Tous les sahaba croyaient qu'Allah est au-delà de son trône réellement et non pas métaphoriquement. Car si c'était le cas, il l'aurait dit. La première personne a nié qu'Allah est au-delà de son trône, ainsi que tous les autres attributs d'Allah, comme la parole, les deux mains, etc., fut un homme du nom de Jad ibn Dirham, qui a été exécuté en l'an 128 Hijra. Un autre homme du nom de Jam ibn Safwan fut lui aussi exécuté en l'an 124 Hijra, pour avoir nié les attributs et les noms d'Allah en entier, et pour avoir dit qu'Allah est partout. C'est de lui que la secte des Jahmiya tient son nom. Ensuite, il y eut des sectes des Mutazila. Eux ne nient pas les noms d'Allah, mais ils nient les attributs d'Allah. Les chiites Rafida, aujourd'hui, sont sur la croyance des Mutazila au sujet des attributs. Ils disent, Allah voit sans vision, entend sans oui, et puissant sans puissance. Ils affirment des noms sans signification, car ils croient que de dire qu'Allah a une vision et faire ressembler Allah à sa création. Toutefois, affirmer les attributs n'implique pas du tout ça, car Allah a une vision et une oui qui ne ressemble pas à ceux de sa création, comme il le dit. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui le Dieu le voyant. Sourate Ash-Shura, ayat 11. Ensuite sont apparus les Ash-Shaira et les Maturidiya, qui affirment uniquement cet attribut d'Allah. Le premier, la vie, al-hayat. Deuxième, la connaissance, al-ilm. Trois, le pouvoir, al-khudra. Quatre, la volonté, al-irada. Cinq, la parole, al-kalam. Six, la vue, al-basar. Sept, l'ouïe, al-samu. Ils affirment également cette négation. La première, al-qidam. La deuxième, al-baqa. La troisième, al-mukhallafatu. Anil-hawadis. La quatrième, al-wahdaniya. La cinquième, al-qiyam bin-nafs. Il-nafs. Et le sixième, al-wujud. En fait, c'est dans leur livre, ils mentionnent toujours qu'ils croient en 13 attributs. Excepté que, en réalité, il y en a seulement 7 qui sont réellement des attributs d'Allah, tandis que les 6 autres ne sont pas des attributs, mais ce sont des noms et des explications qu'ils ont tirées de leurs principes rationnels. Parce que si on regarde Al-Qidam, l'ancienneté, ce n'est pas un des noms d'Allah, ce n'est pas un des attributs qu'Allah s'est donné dans ce terme-là. Il n'a pas utilisé le terme Al-Qidam. Mais c'est un terme que les philosophes ont inventé et qui vient de Al-Qadim, c'est-à-dire l'ancien. Et donc eux, ils appellent Allah, les philosophes appellent Allah Al-Qadim. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas appelé lui-même Al-Qadim. D'accord? Il a dit qu'il est Al-Awwal ou Al-Akhir. Il a dit Allah dans le Coran qu'il est le premier et le dernier. Et ça suffit pour comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Il est éternel. Donc on n'a pas besoin d'utiliser ce nom-là. Par exemple, l'autre, Al-Mukhalafa al-Hawadith, aussi ça se réfère aussi à des principes philosophiques. Par exemple, Al-Baqa, on peut comprendre par exemple que Al-Baqa c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tous ces noms-là, ça a ces idées-là, c'est des idées qui renferment des idées philosophiques. Et c'est pour ça que les savants, plusieurs savants, ils ne les impliquent même pas, ça, ils en parlent, ils disent qu'ils affirment seulement 7. Alors que eux, quand ils lisent dans leur livre, ils vont dire qu'ils affirment seulement, qu'ils affirment 13. D'accord? Al-Wujud, l'existence. Donc, eux, ils disent la théorie de l'existence. Alors que, bon, c'est évident que, Allah existe, mais il y a des anciens, Al-Qiyam bin-Nafs et tout ça. C'est pas vraiment des attributs tels qu'Allah se les a donnés lui-même, mais c'est des idées. Certaines d'entre elles ont des choses qui sont en accord avec la Sunna, mais des fois ça a des connotations et des implications qui sont fausses et qu'il faut distinguer. Il faut rentrer dans la signification pour essayer de distinguer ce qui est vrai dedans et ce qui est faux dedans. Et ça, c'est un sujet peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer plus en détail, Inch'Allah, plus tard. Parce que si on rentre là-dedans, là, on va pas sortir tout de suite. La suite, c'est qu'il nie par contre les autres attributs en les détournant de leur signification et en disant que leur sens est métaphorique. Ils disent par exemple qu'Allah s'est élevé, istiwa, au-delà du trône, signifie qu'il a conquis le trône, istawla. Ce qui ne se retrouve nulle part dans la langue arabe. Il nie donc le sens réel du verset. Mais c'est soit qu'Allah est partout ou nulle part, comme vous le dites, ou bien qu'Allah est au-delà de son trône, comme il nous le dit dans son livre. Le reniez-vous. Quand et comment jugez-vous qu'un verset soit métaphorique? Ben, si je dis « j'ai mes ablutions pour prier », est-ce une métaphore? Il est évident que non, car je vous informe d'une action que j'ai faite qui est comprise réellement dans la langue. Si je dis dans le paradis il y a une rivière de miel, est-ce une métaphore? Il est sûr que non. Car Allah dit dans le Coran, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux dont le lait au goût inaltérable, et des ruisseaux dont vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux dont miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Sourate Muhammad, ayah 15. Même si vous ne comprenez pas comment il peut y avoir des rivières de miel, ou que vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas le nier, ou dire que ça ne veut pas dire une rivière, mais un pot de miel. Car ce sont des choses dont seul Allah connaît la réalité, nous devons y croire comme il le dit. Si je dis, il est interdit d'épouser notre mère qui nous a enfantés dans l'islam, est-ce une métaphore? Bien sûr que non. Alors si tout cela n'est pas métaphorique, sur quoi vous basez-vous pour dire qu'Allah n'est pas réellement au-delà de son trône et que c'est une métaphore? Allez-vous dire ce que disent les Batiniya, que rien dans le Coran est réel et que tout est métaphorique? Il me semble que ce qui vous pousse à nier qu'Allah est au-delà de sa création et que vous tentez d'imaginer Allah dans votre esprit, alors vous comparez Allah à ses créatures, ce qui vous fait croire que vous devez dire que le verset n'est pas réel et qu'il est métaphorique. Voilà votre erreur. Vous imaginez Allah sur un trône comme le trône des rois sur terre qui sert de support pour les hommes qui s'assoient dessus, donc vous comparez le fait qu'Allah soit au-dessus de tout aux créatures quand une d'elles est par-dessus l'autre. Ce qui prouve que vous n'avez rien compris des paroles d'Allah. Allah s'est élevé, istiwa, au-delà de son trône d'une manière qui lui convient à lui, qui ne ressemble nulle à celle de sa création. Allah dit qu'il a créé 7 cieux et que par-dessus les cieux, il y a le coursier d'Allah, qui est en langue arabe l'endroit où on pose ses deux pieds, qui est plus grand que les cieux et la terre. Son coursier déborde les cieux et la terre. Sourate Al-Baqarah, ayat 255. Et par-dessus le coursier, il y a Al-Arche, le trône, qui est plus grand que le coursier. Et au-delà du arche, il n'y a qu'Allah le Très-Haut. Ce n'est pas le trône qui le supporte contrairement au trône de ses créatures, car Allah n'a besoin de rien et tout a besoin de lui. C'est lui qui supporte le trône et les cieux et la terre. Lorsque je dis qu'Allah s'est élevé au-delà du trône, je ne dis pas autre chose que ce qu'il a dit lui-même. Si je vous dis comment est Allah, vous ne connaissez pas la réalité d'Allah et de sa personne. Alors si vous affirmez son existence sans comprendre sa réalité, faites de même avec ses attributs. Dites, j'affirme qu'il est au-delà de son trône, comme il l'a dit, d'une manière qui lui convient. Car il dit, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le voyant. Surat al-Ashura, ayat 11. Et il dit, ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Surat Az-Zumar, ayat 67. Les Jahmiya nient qu'Allah voit, car ils croient que cela veut dire qu'on fait ressembler Dieu à sa créature. Mais pourtant, il y a une différence entre la vue limitée est faible des hommes, est celle des animaux, est celle du Créateur qui est parfaite. On affirme qu'il voit, mais d'une manière qui lui convient et qui est différente de sa création. On doit appliquer la même règle pour tous les autres attributs. Cette façon de comprendre les textes est la voie des gens de la Sunna, comme l'imam Malik ibn Anas, né en l'an 93 et mort en l'an 179 de Hijra. Et tous les autres grands savants de la Sunna avant et après lui, il est rapporté qu'un homme est venu s'asseoir près de lui alors qu'il enseignait, et celui-ci lui dit « Ô Malik, Allah s'est élevé, istiwa sur le trône. Comment s'est-il élevé? Kaifa istiwa. » Alors le visage de l'imam est devenu rouge de colère. Il dit cette parole célèbre. Al-istiwa, l'action de s'élever, est bien connue, ma'loum. Mais le comment, al-kaif, est inconnu, majhoul. Y croire est une obligation, wajib. Et d'en questionner le comment est une bida. Puis il a ordonné qu'on le chasse, rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans Al-Asma wa Sifa. On comprend de cela que de se demander comment Allah est au-delà de sa création est une bida. De même que de dire qu'il est partout est une hérésie. Car il est au-delà de sa création comme cela lui convient, mais il voit tout et entend tout. Il enveloppe toute chose de sa science. Il n'est pas permis de dire s'il est en haut, alors qu'est-ce qui est en bas? Ça, c'est une bida. Personne ne doit essayer d'imaginer Allah, ni de faire des comparaisons entre lui et sa création, car il n'y a aucune ressemblance possible. Allah dit au sujet de l'arche de l'arche de Noé, et l'arche s'installa, istiwat, sur une montagne nommée Le Joudi, c'est bien ça? Al-Joudi. C'est ça, Al-Joudi. Donc, surat Hud, ayat 44. Et il dit, décrivant une plante qui pousse et ensuite se dresse, istiwa, sur sa tige, surat Al-Fat, ayat 29. Et il dit, décrivant les gens quand ils montent sur leur monture, afin que vous montiez tastaou sur leur dos, surat Az-Zukhuf, ayat 13, Allah affirmait que ces créatures ont l'attribut de istiwa, c'est donc que même si c'est la même action qui est attribuée à Allah, cela n'implique pas du tout de ressemblance, car rien ne lui ressemble. L'istiwa de la plante convient à la plante et est différente de l'istiwa de l'arche et de l'homme sur sa monture. Donc l'istiwa d'Allah sur son trône est un istiwa différent de celui de sa créature. Tout comme Allah est Al-Hayy, le vivant, et nous sommes aussi des vivants, comme les animaux sont des vivants et les plantes sont des vivants, est-ce que vous croyez que cela implique que la vie d'Allah soit pareille à celle de ses créatures? Bien sûr que non. Alors dites la même chose pour tous ces attributs. Donc ça c'est un exemple que les ulama ont mentionné dans leur livre au sujet de Al-Istiwa. Ils ont dit, regardez, l'arche de Noé, Allah a décrit l'arche de Noé comme en disant « Istawat ala al-Joudi ». C'est, elle appelle l'axe d'Istiwa, c'est-à-dire elle s'est élevée au-dessus d'une montagne qu'on appelle Al-Joudi, parce que l'eau avait monté, et lorsque l'eau a commencé à diminuer, eh bien l'arche était restée au-dessus d'une montagne. Hein? Donc c'est, Allah l'a décrit comme s'étant élevé au-dessus de la montagne Al-Joudi. Ensuite, au sujet de la plante, c'est dans surat Al-Fath, c'est ça. Muhammadur Rasulullah, wal-lazina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar, rahama'u baynahum, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna qablan min Allah wa ridwana, fima hum fi wujuhihim min athari sujud, dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع اليهيض بالمنفصار. Donc Allah il a décrit les croyants comme étant comme une plante qui pousse et qui éblouit les cultivateurs, hein, mais qui remplit de rage les croyants. C'est-à-dire, quand les messieurs voient les croyants, ça les remplit de rage. Mais il a utilisé au sujet de la plante le verbe istawa sur sa tige, hein, et au sujet aussi des gens lorsqu'ils montent sur leur monture. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cette ni'ma et il dit لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Ça c'est le dua qu'on dit lorsqu'on monte dans une monture, une voiture. Donc c'est exactement ça. Que Allah a utilisé le terme istawa, litastawu ala zuhurihi, et iza stawaytum alayhi. Et la même chose lorsqu'il dit ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ce qui prouve que le mot istawa, il est connu dans la langue arabe. Et lorsqu'on regarde le terme qui est mentionné dans trois versets, au sujet d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et même dans ces termes-là, quand il est mentionné avec ala, on voit tout de suite que ça signifie être par-dessus, être au-dessus d'une chose, ou monter par-dessus. Donc, la signification elle est claire. Et c'est pour montrer que si Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné à son sujet, et qu'il l'a mentionné au sujet de certaines de ses créatures, donc ça veut dire que si il a dit, mais ça qu'il n'y a il n'y a rien qui lui ressemble, eh bien il faut l'affirmer, l'attribuer, et tout en niant la ressemblance. C'est ça. Le point. Vous voulez en fait arrêter ici ou on continue la semaine prochaine? On termine ici. Okay. Non, on termine juste là. Hein. D'accord. Okay. La citation de l'imam Ibn Barr, et puis on va. Un des grands savants de l'islam, Abu Omar Yusuf Ibn Abdul Barr, né en Andalousie en l'an 368 et mort en 463 Hijra, a dit dans son livre ses explications du Muwatta de Malik. Tamhid, volume 8, page 145. Les gens de la Sunna sont tous d'accord à l'unanimité qu'on doit affirmer tous les attributs d'Allah qui se trouvent dans le Coran et la Sunna et croire en celles-ci et les considérer réelles et non pas au sens métaphorique. Par contre, les gens de la Bida, comme tous les Jahmiyyah et tous les Mu'tazila, ainsi que les Khawarij, ni tous les attributs d'Allah et ne prennent rien des attributs comme étant des réalités. Ils s'imaginent que celui qui les affirme est un mushabbih, c'est-à-dire qu'il fait ressembler Allah à sa créature. Toutefois, les gens qui affirment les attributs d'Allah considèrent que les gens de la bida ni al-ma'bud Allah et la réalité et la vérité plutôt. Il y avait ceux qui disent ce que dit le livre d'Allah et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont les imams de la Jama, le groupe qui suit la Sunna. Fin de la citation. Et il dit également dans le même livre, volume 7, page 131, toute parole doit être prise dans son sens réel. Et on ne dit pas qu'elle est métaphorique tant que la Ummah ne se soit pas mise d'accord. Son sens est métaphorique. Car il est impossible de suivre ce qu'Allah nous a révélé autrement. La parole d'Allah doit être prise dans son sens le plus commun et le plus évident de cette signification, tant que rien ne nous empêche de l'accepter. Et si on acceptait les prétentions de tous ceux qui prétendent la métaphore, aucune parole ne ferait plus de sens. Il est clair qu'Allah ne s'est adressé aux Arabes au temps du prophète que par des termes qui sont compris par ceux-ci dans leur langue avec des mots qui sont compris par ceux qui l'entendent. Fin de la citation. Ce qui démontre les attributs d'Allah ne sont pas des métaphores. Donc, on remercie le frère Hamza d'avoir eu la patience et la belle voix là pour nous, pour nous avoir expliqué l'islam, alhamdulillah. On continuera la prochaine partie la semaine prochaine, inshallah. Il reste l'autre, les termes comme l'espace, al-makan, et le corps, al-jism, et l'autre partie c'est le coma, al-kayf. Il y a des petits détails encore à connaître là-dessus. Et comme je vous dis, ça là, c'est juste un résumé, une introduction. Parce que, bien entendu, il y a plus de détails, plus d'explications, plus on s'approfondit là-dedans. Et puis le but, c'est quoi? C'est juste d'être prévenu de ces idées-là qui ont parcouru le monde musulman et qui ont été répandues pour éviter que ces idées-là nous surprennent un jour et puis qu'on soit mis dans une situation où on est troublé par ça parce qu'on ne connaît pas la bonne voie pour comprendre ces questions-là. Donc le fait qu'on, c'est comme si on a un vaccin là, hein, parce qu'on a, on a étudié, on a entendu ces choses-là, on est déjà prêt. Si l'affaire arrive, c'est comme si, ah, j'ai déjà entendu ces idées-là, je sais qu'est-ce que c'est. Hein? Donc c'est exactement ça, qu'est-ce qu'on étudie là maintenant. On dit, bon, pourquoi on perd notre temps? Il y en a qui disent, pourquoi on perd notre temps à étudier ces choses-là? C'est des choses qui existaient dans les temps anciens, puis qu'on n'en entend même plus parler aujourd'hui. Oui. Sauf qu'à chaque fois, il y a des gens qui ramènent ces anciennes idées, qui sont mortes depuis longtemps, et qui essaient de les faire revivre. Hein? Et qui créent des problèmes, des désordres dans la Oumma avec ces idées-là. Donc, nous, étant donné qu'on a déjà appris ça, et qu'on sait comment répondre à ces idées-là, on peut dire qu'on a un vaccin contre ce virus-là, Inch'Allah. Donc, s'il se manifeste, on saura comment s'en occuper, Inch'Allah ta'ala. Ok, yani, je vous remercie. Barakallahu fikoum. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.